Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes le dernier samedi du mois et c'est l'heure de la saga. Aujourd'hui, comme promis, la première partie de la saga consacrée au groupe Cool and the Gang. L'histoire, elle est tellement longue que je vais vous la faire partager en deux fois. Vous aurez deux fois plus d'intérêt pour Cool and the Gang comme ça. Alors, l'histoire du groupe commence en 1964 à Jersey City lorsque les frères Robert et Ronald Bell fondent avec quelques amis d'enfance et de lycée un groupe de jazz appelé The Jazziac. Le père des frères Bell est un boxeur professionnel, un grand amateur de jazz et un ami du légendaire pianiste Thelonious Monk, mais aussi de Miles Davis, qui était lui aussi passionné de boxe. Vous me suivez ? Et tous ces gens-là viennent souvent rendre visite à la famille afin d'avoir des conseils techniques sur la boxe. Alors The Jazziac, qui deviendra plus tard The Moniqueurs, Southern Review, à l'époque où la formation accompagne entre autres les Temptations ou les Four Tops, ça va se transformer après en The New Dimension, puis finalement Cool and the Flame, un hommage au Famous Flame de James Brown. Alors le groupe va rapidement se faire connaître sur la scène new-yorkaise, dans Greenwich Village et au célèbre Apollo Theater de Harlem, où ils vont jouer très fréquemment. Le groupe, il est alors constitué de Robert Cool Ben, Ronald Callis Ben, Denis D.T. Thomas, George Funky Brown, Robert Spike Mikens et Clydes Charles Smith. Influencé principalement par le jazz, le blues et les artistes qu'ils côtoient dès leur adolescence, mais également par la soul de la Motown ou de James Brown, il développe naturellement un style unique à l'intersection de toutes ces influences qu'ils qualifieront de jazz funk et dont ils sont parmi les plus grands contributeurs. We'll be right back. c'était Funky Stuff. En 1969, le producteur Gene Reed les remarque et leur propose un contrat d'enregistrement sur son label Red Coach Records, qui deviendra plus tard le célèbre label Delight Records. Afin d'éviter toute confusion avec les Famous Flames de James Brown, le groupe accepte de signer, mais en changeant de nom. Ils s'appelleront désormais Cool and the Gang. Alors le nom, il est né d'une confusion un soir de 1969 dans un club où le programmateur les présente par erreur comme tel. Avec l'humour qui les caractérise, ils adopteront définitivement ce nom. Premier album très jazzy avec des titres comme Who's Gonna Take the White ou Chocolate Buttermilk obtiennent un succès honorable. Il leur faudra attendre la sortie de l'album Wild and Peaceful en 1973 pour connaître les premiers succès commerciaux avec des morceaux emblématiques tels que Funky Stuff, Hollywood Swinging ou encore Jungle Boogie. Alors, Jungle Boogie, il sera repris en 1994 dans la bande originale du film Pulp Fiction. Entre 1969 et 1978, Cool and the Gang est reconnu comme étant l'un des groupes les plus créatifs et influents de la scène jazz-funk. C'est véritablement sur scène que le groupe obtient toute sa plénitude, par la qualité de ses musiciens et de sa section de cuivre, qui, à l'instar de celle d'Earth, Wind and Fire ou de Tower of Power, jouit d'une solide réputation. En 1977, le tromboniste Clifford Adams, musicien de jazz et de studio, rejoint le groupe Il restera membre du groupe jusqu'à son décès en 2015. En 1981, à l'occasion de l'enregistrement de l'album Something Special, Cool and the Gang accueille en son sein deux autres grands musiciens, le trompettiste Michael Ray et le jeune prodige des claviers Curtis Fitzgerald Williams. À la fin des années 70, le disco bat son plein et de nombreux groupes de funk se tournent vers une musique plus pop pour toucher un public plus large. En 1978, Ronald Kelly Bell, c'est-à-dire les membres du groupe bien sûr, organisent une audition pour recruter un chanteur. Sur la recommandation du producteur Emir Deodato et du propriétaire d'un studio d'enregistrement Charlie Conrad, James G.T. Taylor, un instituteur du New Jersey et chanteur habitué des clubs, est le premier à être auditionné. Callis joue quelques notes de piano et est stupéfait lorsqu'il entend Taylor chanter « Langage sur le champ ». Parallèlement, au début des années 70, le groupe rencontre le musicien-arrangeur Emir Deodato, qui est également un producteur très respecté dans le milieu. Il a en effet repris la musique du film 2001, l'Odyssée d'espace de Stanley Kubrick, et il a écrit de nombreux arrangements pour Frank Sinatra, Roberta Flack ou Björk, entre autres. Fort de leurs expériences respectives et animés par une passion commune, le jazz, ils décident de s'associer. Commence alors une collaboration de 10 ans avec 4 albums. Ladies Night en 1979, Celebrate en 1980, Something Special en 1981 et As One en 1982. De cette époque, Deodato déclare, lors d'une interview accordée au magazine Wax Poetic en 2003, je cite, « Pour moi, ce fut merveilleux de travailler avec eux, Cool and the Gang. C'était un plaisir, c'était Cool and the Gang. » La voix et le charisme de James T. Taylor, de G.T. Taylor, alliés à l'ingénieuse efficacité des coproductions Cool and the Gang Deodato, donneront rapidement leurs fruits. Nombre de leurs titres vont dès lors devenir des tubes internationaux. We fell in love, high school sweethearts. Love was so brand new. We took the vows of man and wife forever for life. I remember how we made our way, a little patience, the times we prayed. Can't imagine that this love is through. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta cool this anger, what a mess we made. So long ago, you were my love, oh my love. We never took the time to stop and feel the need. Funny how those years go by, changing you, changing me. I remember love's fever in our hearts, girl, and in our minds. Gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta cool this anger. What a mess we made. So long ago, you were my love. Gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta cool this anger from this mess that we've made. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta run for shelter. Gotta run for shade. It's too hot, too hot, so, so hot, lady. Too hot. Gotta cool this anger. Oh, gotta cool this mess we made. It's so, so hot, baby. Yes, it's so hot. I just can't take it. I can't stand no more, baby. We were once lovers. We took our vows. A man and wife forever. Anger, gotta cool this mess we made. It's so warm, so warm. It's hot, baby. Yeah, gotta run for shade. Come on, I'm leaving. Goodbye. Don't cry. La suite fin février. On va se quitter avec le morceau, un de leurs morceaux, Victory, sorti dans les années 80. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour l'émission habituelle Dr Disco et Mr Funk, uniquement sur Fadjet, bien sûr. Bye bye.